Appendice. L'auteur a pensé que les lecteurs de la narration qui précède lui sauraient gré de mettre sous leurs yeux quelques pages extraites des lettres de l'éminent cardinal Mercier de Belgique. Il n'a qu'un regret. C'est celui de ne pouvoir reproduire ici en entier ces documents qui forment dans leur ensemble un monument plus durable que les reins. Au sein de la petite Belgique opprimée et indomptable, le grand archevêque a été le symbole de la résistance nationale. Il a osé presque tout dire aux envahisseurs. À maintes reprises, il s'est dressé contre leurs infâmes politiques, militaires, administratives. Il est resté debout devant les menaces de von Bissing, de von Huen, de von der Goltz. L'insolente autocratie de ceux-ci a hésité à reculer devant la troublante majesté d'honneur, de justice et de vérité de celui-là. Signé Henri Bellan. Extrait de la lettre pastorale du cardinal Mercier. Patriotisme et endurance. Note. À quatre années de distance, on ne relira pas sans émotion des extraits de la première lettre pastorale du cardinal Mercier, après l'invasion allemande. C'est la fameuse lettre « Patriotisme et endurance », écrite à la Noël de 1914 pour consoler les Belges éprouvés, raviver leur foi patriotique et leur indiquer une ligne de conduite vis-à-vis de l'occupant. Elle constitue un énergique réquisitoire contre les atrocités commises en Belgique par l'armée allemande, le premier qu'on ait osé formuler en territoire occupé. Le cardinal Hamet, en la proposant en lecture à ses diocésains, écrivait que c'est une œuvre admirable de doctrine évangélique, de sollicitude pastorale et de courage patriotique. Elle eut dans le monde entier un immense retentissement. On la traduisit dans à peu près toutes les langues. Et elle fut répandue partout par le clergé des pays alliés. Je dois me borner à quelques citations. Malines, Noël 1914. Mes bien chers frères, lorsque dès mon retour de Rome au Havre, déjà j'allais saluer nos blessés belges, français ou anglais, lorsque plus tard à Malines, à Louvain, à Anvers, il me fut donné de serrer la main à ces braves, qui portaient dans leur tissu une balle ou au front une blessure, pour avoir marché à l'assaut de l'ennemi ou soutenu le choc de ses attaques, il me venait spontanément aux lèvres pour eux une parole de reconnaissance émue. Mes vaillants amis, leur disais-je, c'est pour nous, pour chacun de nous, pour moi, que vous avez exposé votre vie et que vous souffrez. J'ai besoin de vous dire mon respect, ma gratitude et de vous assurer que le pays entier sait ce qu'il vous doit. C'est qu'en effet, nos soldats sont nos sauveurs. Une première fois à Liège, ils ont sauvé la France. Une seconde fois, en Flandre, ils ont arrêté la marche de l'ennemi vers Calais. La France et l'Angleterre ne l'ignorent point. Et la Belgique apparaît aujourd'hui devant elle, et devant le monde entier, d'ailleurs, comme une terre de héros. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi fier d'être belge que lorsque, traversant Paris, traversant les gares françaises, faisant halte à Paris, visitant Londres, je fus partout le témoin de l'admiration enthousiaste de nos alliés pour l'héroïsme de notre armée. Notre roi est dans l'estime de tous au sommet de l'échelle morale. Il est seul, sans doute, à l'ignorer, tandis que, pareil au plus simple de nos soldats, il parcourt les tranchées et encourage de la sérénité de son sourire ceux à qui il demande de ne point douter de la patrie. De nombreuses paroisses furent privées de leur pasteur. J'entends encore l'accent douloureux d'un vieillard à qui je demandais s'il avait eu la messe, le dimanche, dans son église ébréchée. « Voilà 2 mois, me répondit-il, que nous n'avons plus vu de prêtre. » Le curé et le vicaire étaient dans un camp de concentration à Münsterlagen, non loin de Hanovre. Des milliers de citoyens belges ont été ainsi déportés dans les prisons d'Allemagne, à Münsterlagen, à celle de Magdebourg. Münsterlagen seul a compté 3100 prisonniers civils. L'histoire dira les tortures physiques et morales de leur long calvaire. Des centaines d'innocents furent fusillés. Je ne possède pas au complet ce sinistre nécrologue, mais je sais qu'il y en eut notamment 91 à Erschot, et que là, sous la menace de la mort, leurs concitoyens furent contraints de creuser les fosses des sépultures. Dans l'agglomération de Louvain et les communes limitrophes, 176 personnes, hommes et femmes, vieillards et nourrissons, encore à la mamelle, riches et pauvres, valides et malades, furent fusillés ou brûlés. Dans mon diocèse seul, je sais que 13 prêtres ou religieux furent mis à mort. L'un d'eux, le curé de Gérode, est, selon toute vraisemblance, tombé en martyr. J'ai fait un pèlerinage à sa tombe, et entouré des ouailles qu'il paissait hier encore avec le zèle d'un apôtre, je lui ai demandé de garder du haut du ciel sa paroisse, le diocèse, la patrie. Qui ne contemple avec fierté le rayonnement de la gloire de la patrie meurtrie? tandis que dans la douleur et l'enfant l'héroïsme, notre mère verse de l'énergie dans le sang de ses fils. Nous avions besoin, avons-le, d'une leçon de patriotisme. Des Belges en grand nombre usaient leurs forces et gaspillaient leur temps en querelles stériles, de classe, de race, de passion personnelle. Mais lorsque le 2 août, une puissance étrangère, confiante dans sa force et oublieuse de la foi des traités, osa menacer notre indépendance, tous les Belges, sans distinction ni de parti, ni de condition, ni d'origine, se levèrent comme un seul homme, serrés contre leur roi et leur gouvernement, pour dire à l'envahisseur « Tu ne passeras pas ». Du coup, nous voici résolument conscients de notre patriotisme. C'est qu'il y a en chacun de nous un sentiment plus profond que l'intérêt personnel, que les liens du sang et la poussée des partis. C'est le besoin et par suite la volonté de se dévouer à l'intérêt général, à ce que Rome appelait la chose publique, res publica. Ce sentiment, c'est le patriotisme. La patrie n'est pas qu'une agglomération d'individus ou de familles habitant le même sol, échangeant entre elles des relations plus ou moins étroites de voisinage ou d'affaires, remémorant les mêmes souvenirs, heureuses ou pénibles. Non, elle est une association sociale qu'il faut à tout prix, est-ce au prix de son sang, sauvegarder et défendre sous la direction de celui ou de ceux qui président à ses destinées. Et c'est parce qu'ils ont une même âme que les compatriotes vivent, par leur tradition, d'une même vie dans le passé, par leurs communes aspirations et leurs communes espérances, d'un même prolongement de vie dans l'avenir. La Belgique était engagée d'honneur à défendre son indépendance. Elle a tenu parole. Les autres puissances étaient engagées à respecter et à protéger la neutralité belge. L'Allemagne a violé son serment, l'Angleterre y est fidèle. Voilà les faits. Les droits de la conscience sont souverains. Il eût été indigne de nous retrancher derrière un simulacre de résistance. Ne regrettons pas notre premier élan, nous en sommes fiers. Écrivant à une heure tragique une page solennelle de notre histoire, nous l'avons voulu sincère et glorieuse. Et nous saurons tant qu'il le faudra faire preuve d'endurance. L'humble peuple nous donne l'exemple. Les citoyens de toutes les classes sociales ont prodigué leur fils à la patrie. Mais lui, surtout, souffre des privations, du froid, peut-être de la faim. Or, si je juge de ses sentiments en général, parce qu'il m'a été donné de constater dans les quartiers populaires de Malines et dans les communes les plus affligées de mon diocèse, le peuple a de l'énergie dans sa souffrance. Il attend la revanche, il n'appelle point l'abdication. Courage, mes frères, la souffrance passera. La couronne de vie pour nos âmes, la gloire pour la nation ne passeront pas. Je ne vous demande point, remarquez-le, de renoncer à aucune de vos espérances patriotiques. Au contraire, je considère comme une obligation de ma charge pastorale à vous définir vos devoirs de conscience en face du pouvoir qui a envahi notre sol et qui, momentanément, en occupe la majeure partie. Ce pouvoir n'est pas une autorité légitime, et dès lors, dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance. L'unique pouvoir légitime en Belgique est celui qui appartient à notre roi, à son gouvernement, aux représentants de la nation. Lui seul est pour nous l'autorité, lui seul a droit à l'affection de nos cœurs, à notre soumission. Nos malheurs ont ému les autres nations. L'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, la France, la Hollande, les États-Unis, le Canada rivalisent de générosité pour soulager notre détresse. Ce spectacle est à la fois lugubre et grandiose. Ici encore se révèle la sagesse providentielle qui tire le bien du mal. En votre nom et au mien, mes frères, j'offre au gouvernement et aux nations qui se tournent si noblement vers nos malheurs le témoignage ému de notre admiration et de notre reconnaissance. Le voyage à Rome et la lettre pastorale. À notre retour de Rome, on n'a pas perdu le souvenir des acclamations qui accueillirent le cardinal Mercier à Rome, dans le voyage qu'il fit au commencement de 1916. Il arriva dans la ville éternelle le 14 janvier au soir et y fut reçu comme un roi. C'est sous une véritable pluie de fleurs, au milieu des ovations, qu'il gagna le collège belge choisi pour sa résistance. Le lendemain, toute l'aristocratie romaine allait s'y inscrire avec les membres les plus éminents de la colonie belge et les représentants des légations alliées. À plusieurs reprises, Benoît XV reçut le cardinal en audience particulière, comme il reçut aussi Mgr Hélène, dont la visite à Rome coïncidait avec celle du primat de Belgique. La participation aux travaux des congrégations, les réceptions, les visites absorbèrent le reste de son séjour. De tous côtés, des représentants de tous les partis saluaient sa venue en termes empreints du plus profond respect. Les cardinaux de Paris et de Londres, les évêques, les prélats, les Belges exilés, les associations catholiques des pays alliés lui envoyaient des délégations et des adresses pour lui exprimer leur admiration. À son départ pour la Belgique, à Rome et dans les villes qui marquaient son passage, il fut l'objet de manifestations identiques à celles qui l'avaient accueilli 5 semaines plus tôt. Le cardinal est-il allé de lui-même à Rome pour plaider la cause des Belges? Y a-t-il été appelé par le pape, désireux de s'instruire? Il réussit, en tout cas, à rompre le cordon d'investissement établi autour du Vatican par les agents de l'Allemagne et de l'Autriche. Son voyage eut pour résultat d'aviver les sympathies pour la Belgique, d'éclairer le Vatican et de le rendre plus favorable aux Belges. Monseigneur Hélène et lui ont eu raison des dernières résistances, plus importantes par la qualité que par le nombre, dont l'entourage du Saint-Père était, malheureusement, le retranchement suprême. Rien n'a tenu contre la simplicité, la modération et la force de ces deux confesseurs. Le mot n'est pas excessif, armé de témoignages directs et en l'état d'opposer des faits authentiques, contrôlés par leurs soins, soumis à une critique impitoyable aux arguties des avocats de l'Allemagne. Rentré à Malines, le cardinal Mercier écrivit pour cette diocésien la magnifique pastorale « Un autre retour de Rome ». On lira avec émotion les extraits suivants en admirant la courageuse fierté avec laquelle son auteur a affirmé, au milieu des baïonnettes prussiennes, les espoirs de son peuple. Fête de saint Thomas d'Aquin, 1916. Mes bien chers frères, il y a beaucoup de choses que je ne puis vous dire. Vous me comprenez. La situation anormale que nous avons à subir nous interdit de vous exposer, à cœur ouvert, tout juste ce qu'il y a en notre âme de meilleur et de plus intime pour vous. Ce qui, venant du plus haut et vous touchant de plus près, est à moi mon plus ferme soutien et serait pour vous, si je pouvais parler, votre tout-puissant réconfort. Mais vous ne douterez pas de ma parole. Vous me croirez lorsque je vous assure que mon voyage a été particulièrement béni et que je vous reviens heureux, très heureux. Vous avez eu déjà des échos, je pense, des acclamations qui, sur tout le parcours de notre voyage, à l'aller et au retour, en Suisse et en Italie, saluèrent le nom belge. Supposez même, mes bien chers frères, que l'issue finale du duel gigantesque engagé, en ce moment, en Europe et en Asie mineure, fut encore incertaine. Un fait acquis à la civilisation et à l'histoire, c'est le triomphe moral de la Belgique. En union avec votre roi et votre gouvernement, vous avez consenti à la patrie un sacrifice immense. Par respect pour notre parole d'honneur, pour affirmer que dans vos consciences le droit prime tout, vous avez sacrifié vos biens, vos foyers, vos fils, vos époux, et après 18 mois de contraintes, vous demeurez, comme le premier jour, fier de votre geste. L'héroïsme vous paraît si naturel qu'il ne vous vient pas à la pensée d'en tirer gloire pour vous-même. Mais si vous aviez pu, comme nous, franchir nos frontières et contempler à distance la patrie belge, si vous aviez entendu le peuple, l'homme dans la rue, ainsi que s'expriment les Anglais, je veux dire l'ouvrier manuel, le petit employé, la femme de la classe qui peine, si vous aviez recueilli les témoignages, vivants ou écrits, de ceux qui représentent avec autorité les grandes forces sociales, la politique, la presse, la science, l'art, la diplomatie, la religion, vous auriez mieux pris conscience de la magnanimité de votre attitude. Vos hommes auraient tressailli d'allégresse et même, je crois, d'orgueil. Vous voudrez bien reconnaître que je ne vous ai jamais caché mes appréhensions. Je vous ai prêché le patriotisme, parce qu'il est une dépendance de la vertu maîtresse du christianisme, de la charité. Mais dès l'abord, je vous ai fait entrevoir que, selon mon humble pressentiment, notre épreuve serait longue, et que le succès appartiendrait aux nations qui y mettraient le plus d'endurance. La conviction naturelle et surnaturelle de notre victoire finale est plus profondément que jamais ancrée en mon âme. Si d'ailleurs elle avait pu être ébranlée, les assurances que m'ont fait partager plusieurs observateurs désintéressés et attentifs de la situation générale, appartenant notamment aux deux Amériques, l'eussent solidement raffermie. Nous l'emporterons, n'en doutez pas, mais nous ne sommes pas au bout de nos souffrances. La France, l'Angleterre, la Russie se sont engagées à ne pas conclure de paix, tant que la Belgique n'aura pas recouvré son entière indépendance et n'aura pas été largement indemnisée. L'Italie, à son tour, a adhéré au pacte de Londres. L'avenir n'est point douteux pour nous. Démêlé du cardinal avec les autorités allemandes. Après le voyage à Rome, il sembla que les autorités allemandes eussent reçu le mot d'ordre de créer le plus de difficultés possible au cardinal Mercier. La presse allemande avait été déchaînée contre lui. Visiblement, elle cherchait à justifier les mesures que le gouverneur général de Belgique pourrait être amené à prendre contre le trop ardent défenseur du bon droit. Elle alla jusqu'à l'accuser d'espionnage, et au mois de mars 1916, on eut la surprise d'apprendre qu'une descente avait eu lieu au palais archi-épiscopal et que le chanoine Loncin avait été arrêté. Le cardinal, dont la bibliothèque avait été fouillée, et la correspondance saisie, adressa sur le champ une note de protestation au gouverneur général. Dans cette note, il s'élevait avec vigueur contre la violation du secret que Rome seule peut briser, et qui, dans ce cas, fut impuissant à sauvegarder divers cas du forum Conscientiae contre l'arbitraire de soldats. Il signala au Saint-Siège, suprême juge en l'occurrence, cette violation par la force brutale du secret de l'administration et des choses d'Église. Le gouvernement allemand répondit par une note où il prétendait que la liberté de l'Église n'a rien à voir dans cette affaire, et que c'est en vain que le cardinal, faute d'avoir des sujets de plainte légitimes, s'efforçait d'inventer une violation des droits ecclésiastiques par l'Allemagne. Néanmoins, le chanoine Lancin fut relâché. Vers la même époque, le cardinal Mercier eut encore à se plaindre des procédés allemands, à propos d'amendements de carême. À la vérité, il n'y avait pour les Allemands rien de particulier à relever dans ce document d'inspiration purement religieuse. Mais le mot d'ordre, nous l'avons dit, était de chercher misère. On releva donc une phrase ainsi connue, « Ni le cheval, ni le chevalier, ni la force des armées ne garantissent le succès final. Est-ce que Dieu ne peut pas anéantir en un clin d'œil les plus belles espérances d'une nation belliqueuse en déchaînant sur elle une épidémie ? C'est entre les mains de Dieu que repose le sort de la Belgique. » Von Bissing écrivit à l'archevêque une lettre grossière où lui faisait reproche, à l'abri de cette phrase séparée de ce contexte, de vouloir soulever la population contre l'occupant. L'archevêque répondit simplement qu'il n'avait fait en écrivant ce mandement qu'exercer son droit d'évêque et que les Allemands lui avaient déjà à plus d'une reprise cherché querelle. Et puis, ajoutait-il, la population belge est toujours restée calme. Tout le monde a pu le constater. Que me reproche-t-on de l'exciter ? Le gouverneur général se tint quoi ? Allocution du général Mercier. Lisons maintenant un extrait de l'allocution que le cardinal Mercier a prononcé le 21 juillet 1916 à Bruxelles, dans la collégiale de Sainte-Gudule, au cours de la cérémonie commémorative de la fête nationale. C'est le cœur à le temps qu'on la relira, ligne par ligne, comme l'une des choses les plus belles et les plus élevées qui aient jamais été dites. Nos bien chers frères, nous devions ici nous réunir pour fêter le 85e anniversaire de notre indépendance nationale. Dans 14 ans, à pareil jour, nos cathédrales restaurées et nos églises rebâties seront larges ouvertes. La foule s'y précipitera. Notre roi Albert, debout sur son trône, inclinera, mais d'un geste libre, devant la majesté du roi des rois, son front indompté. La reine, les princes royaux l'entoureront. Nous réentendrons les envolées joyeuses de nos cloches, et dans le pays entier, sous les voûtes des temples, les Belges, la main dans la main, renouvelleront leur serment à leur Dieu, à leur souverain, à leur liberté, tandis que les évêques et les prêtres, interprètes de l'âme, de la nation, entonneront dans un commun élan de reconnaissance joyeuse un triomphal Te Deum. Aujourd'hui, l'hymne de la joie expire sur nos lèvres. Le peuple juif, captif à Babylone, assis en larmes au bord de l'Euphrate, regardait couler les eaux du fleuve, ses harpes muettes pendaient au saule du rivage. Qui aurait eu le courage de chanter le cantique de Jéhovah sur un sol étranger ? Terre patriarcale de Jérusalem, s'écriait le psalmiste, si jamais je t'oublie, que ma main droite se dessèche. Que ma langue reste collée à mon palais, si je cesse de penser à toi. Tu n'es plus la première de mes joies. Le psaume s'achève en paroles imprécatoires. Nous nous interdisons de les reproduire, nous ne sommes plus du testament ancien, qui tolérait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Nos lèvres, purifiées par le feu de la charité chrétienne, ne profèrent point de haine. Haïr, c'est prendre le mal d'autrui pour but et s'y complaire. Quelles que soient nos douleurs, nous ne voulons point de haine à ceux qui nous les infligent. La concorde nationale s'allie, chez nous, à la fraternité universelle. Mais au-dessus du sentiment de l'universelle fraternité, nous plaçons le respect du droit absolu, sans lequel il n'y a pas de commerce possible, ni entre les individus, ni entre les nations. Et voilà pourquoi, avec saint Thomas d'Aquin, le docteur le plus autorisé de la théologie chrétienne, nous proclamons que la vindicte publique est une vertu. Le crime, violation de la justice, attentat à la paix publique, qu'il émane d'un particulier ou d'une collectivité, doit être réprimé. Les consciences sont soulevées, inquiètes, à la torture, tant que le coupable n'est pas, selon l'expression si saine et si forte du langage spontané, remis à sa place. C'est rétablir l'ordre, rasseoir l'équilibre, restaurer la paix sur la base de la justice. La vengeance publique ainsi comprise peut irriter la sensiblerie d'une âme faible. Elle n'est pas moins, dit saint Thomas, l'expression, la loi de la charité la plus pure et du zèle qui en est la flamme. Elle ne se fait pas de la souffrance une cible, mais une arme vengeresse du droit méconnu. le chef de l'une de nos plus nobles familles m'écrivait « Notre fils du 7e de ligne est tombé. Ma femme et moi en avons le cœur brisé. Cependant, s'il le fallait, nous le redonnerions encore. » Un vicaire de la capitale vient d'être condamné à 12 ans de travaux forcés. On me permet d'aller dans sa cellule l'embrasser et le bénir. J'ai, dit-il, 3 frères au front. Je crois être ici pour avoir aidé le plus jeune. Il a 17 ans, à rejoindre ses aînés. Une de mes sœurs est dans une cellule voisine. Mais je remercie le bon Dieu, ma mère ne reste pas seule. Elle nous l'a fait dire, d'ailleurs, elle ne pleure pas. N'est-ce pas que nos mères font songer à la mère des Maccabées? Que de leçons de grandeur morale. Ici même et sur le chemin de l'exil, et dans les prisons et dans les camps de concentration, en Hollande et en Allemagne. Pensons-nous assez à ce que doivent souffrir ces braves qui, depuis le début de la guerre, au lendemain de la défense de Liège et de Namur, ou de la retraite d'Anvers, ont vu leur carrière militaire brisée et rongent leurs freins. Ces gardiens du droit ou de nos franchises communales que leur vaillance a réduit à l'inaction. Il y a du courage dans l'élan. Il n'y en a pas moins à le contenir. Il y a même plus de vertu parfois à pâtir qu'à agir. Et ces 2 années de soumission du peuple belge à l'inévitable, cette ténacité profonde qui faisait dire à une humble femme devant laquelle on discutait la possibilité d'une prochaine conclusion de la paix. Oh, pour nous, il ne faut rien presser. Nous attendrons encore. Comme tout cela est beau et plein d'enseignements pour les générations à venir. Voilà ce qu'il faut voir, mes frères. La magnanimité de la nation dans le sacrifice, notre universelle et persévérante confraternité dans les angoisses, dans les deuils et dans la même invincible espérance. Voilà ce qu'il faut regarder pour estimer à sa valeur la patrie belge. La date prochaine du 1er centenaire de notre indépendance doit nous trouver plus forts, plus intrépides, plus unis que jamais. Préparons-nous-y dans le travail, dans la patience, dans la fraternité. Lorsqu'en 1930 nous remémorerons les années sombres de 1914-1916, elles nous apparaîtront les plus lumineuses, les plus majestueuses, et à la condition que nous sachions dès aujourd'hui le vouloir, les plus heureuses et les plus fécondes de notre histoire nationale. Per crucem ad lucem, du sacrifice jaillit la lumière.